L'ABR, anti-blocage des roues, permet en cas de freinage d'urgence de mieux maîtriser la trajectoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De diminuer fortement la distance de freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.